Simba. Mati sa preso kane, kanga siga magendo sa ni kubra kongo. Dem se daron se ya ya ke ti zumbia kimbi la ki unte di lange. Aya ya ke ti zumbia kimbi la ki unte di lange. Aya ya ke ti zumbi. Aya ya ke ti zumbi. Sema sanga kidogo ya bra kongo na zumbi. Mon général, patience. Ah bon? Dominique Campou, commandant Hilo. D'où Alex, c'est l'Alex. La loi est dire, mais c'est la loi. Kiki Touré. Commando, commando, commando. Commando, commando, commando. Commando, Amunda, Talasimate. Yangos, collègue, n'a toujours liboso. Allez, dis calme. Yaman, you know the woman who was born. Yes, who would rather than son. Coco, Coco, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Avelo, Chabani Record, Gilbert Villani, Jimmy Bass, le grand acheteur monte au feu, Gaspard Lord. Yon tabana ma sese, edike ma fotokopi baka sa frontiere te. Sinon la fosse en charge na yo. Bisona skole, bisona skole, wale bito matisa, wena bavare nyoso. Justin Zengo, kuteye moko batu webele. Oye bazo wele la eza skole. Gachis Airways, Max Suleman de Gonsa. Ah, mola taka ninye, mola taka ninye. Kala kala bota lango. Production. Hey, Christian Kintaki, Betango Lokola di Kembe. Mwana mama vingi la nanjotwe. Ayo jodo nandi bando muka nanjotwe. Taniko idi ndu muka nandi twe. Natino kole. Ale vilingite, kamu fatu vilingite. Masima samba jombuna. General Gabira. General Ndenge Fixon qui pongue le colonel. Ndaye monseigneure na bimana ndenge na ngai ndaka ndaka Francine Mbombo alelina ndenge na ye ndaka ndaka Charlene wanga alobina ndenge na ye Iva Biala yo Moïka Sanji Atobinaka Rausa Mokongi Atobinaka ndenge ndenge ndenge ndenge Skole matizi preso na samokumba ndenge ndenge ndenge Jeremy Fanny Kankolongo Boutique faculté de la Sable, chez Maman Biomba, Kadima Weto, Luxembourg, grand soliste, Nécromatie, Absorption, Métaphysique, Mais allez-y, Moreau. L'ingénieur l'homme en décibel. Est-ce que Baligito met sa pression jusqu'à l'infini? Rolling Monda Bob Machoud. Maman, maman, Noura, Bati, Jerry Sente, Misa Biatalo, Ali Fouti, la Nadine Bango, Jean Chimba Moulongo, Mafra Mazinga, Wanano, Wanano, Wanano, la police, c'est le Bango. Metaphysique, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Salima. Ichuma Tuangani. Salima Banta Kape Source. Yango Bila Keye. Bawa. Mizike Siliye. Bato Babi Bie Bawa. Je m'appelle Makita Chetengo. Kuni Bende Bibende Yali Bende Naskola Kikikikiki. Soudé Bango Trrrr. Yoka Skole Lengye. Lui on est mal américain. Autrement, Papa Flika. Et l'amour. L'amour. tonyonso ebo me kausa bono ebo miezo kisi bono votangwa kausa bono ebo miezo kisi bono minupusha kausa bono ebo miezo kisi bono kizule mazo kisa bono entre quoi encadre bango jislem po yo $4 bikoro kinshabi chara bien joli malanda ale mama mama madibe Alelanda mama madibe soka pan africain montana gabumba liwala soka banula nima komanda ekosa alelanda mama madibe soka banula nima komanda itrina soa an lokotem ale mama engali kwani yobini sabangwe engali ale mama engali tomela kaskole engali ba mama ya zandone engali tobili sabangwe engali ale mama engali Anthropologie. Bon mabana kini nelengi a bile sikoyi. Koko tuka di filabo. Oya mambo jema yega nange. Cheke tendo pecho nyama nyama dama po jema yega nange. Ye masaku. Ale jele jaye jele jaye. Tu yimbile tu yambile. Tu sengu ya usenga kwa kito jema. Bitu madopa. Cheke tendo pecho nyama nyama dama po jema yega nange. Fude long. Shashi mamulo ngo peti sirila. Nanu tongo. Fani kama. Elena. Campo Moko Njangiringi Ezakoya Ezakoya Ezakoya Ezakoya Eli Eza Moi Ema Sabwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Nechaba Kani Jena Ndegala Meme Jena Ndegale Nashaba Jana Jena Ndegala Sele Jimbi Nashaba Jana Bas Kamina. Mete gini ya mama gini ya Soli mama da charabie Nani angole gibi zona bulo Salon lo bibe mokolo Kosku etande ni mabutika Sini na nostra Miro mi Katre kwe Mi waga nile karabate Tandala leke. Laja ya leje ingo Mami chotori minde welo Koma tita pele gran Bela mi Tono Gran Je vais chanter tono Fanny Kankolongo Olivier Sente Yeden Gedi Gide Yosad Mise del Nebadi Oui, mi choudom de salabi Yodo Matiaba Malari Manango Matia Malia Manango Miso di Miso di Ma Dalida Kitoko Vijuman Swangani Arrêtez la musique Arrêtez Siko na lobby eh Liboke yangulu misatu na bodino Landelanga kuanga uyantolola Epa ya mogila gila Ligzambu Presedom na lila Mimi mekila kwena muduga Ikunu muka tumba kwe Iti Kwena muduga yinza Oya oya oya oya oya Amadali manesa oya oya Kule mbeza kata la zoli Bitofani yombo Ashe matena langa shese bani Ema mboko Iti Mettre tunda noir Kati e boge Kwena mutuga ikuru munga tumba kwe Iti uya madadi mani saura Uya kule mbisa kata la zole Ah Keke mabilama Ye mukolo kota Ane ti ti ti Evoka Adi shenge na ye Motuke Adi sandukwa ye Evoka Mile nerita ye Motuke Evoka Motuke Chef Soko Restore mando Evoka Motuke Bombo Evoka Motute Evoka Solace Makabe Evoka Motute Station Evoka Campagne Coco di Coco Evoka Beate Zetegem Mami Chodiomi Pati Dubai Sina Debisele Ah GTM John Kabala Mawa Chéri Maboso Papi Tetanos Maski Masamba, Gino Inunga, Akin Manjaro, Ebo Meka Usa, Ebo Mezo Kisi, Vierne Mali Mozo Kisa, Le Patron, Sigo Mezo Kousa, General Lorraine, Fesosa Dusula, Nicole Machuna Barsola, Hey, Chacho Mala Kashoki, Mode Mata Twani Kisi, Ebo Mekru, Mokondi Raus, Abo Maka, Ebo Meka Usa, Mazor, chéri Malumalu Natani Japonesa Tumbaki Look at to be Engimi Look at to be Aïe Makinto Cheta La Cabane Yann Tobe Mokoso Céline Makolo Adena Nibang Maître Méchant Alebana Bangali Bako Mbende Maître Didier Eba Boi Makoke Balingi Karashi Bananda Kwe Alice Mwati Mutolu Libanda Alice Likaka Mutolu Libanda Libanda ye ye Zimbanga Zimbanga mama ye Dadi la rene Claudie Makupa Zimbanga Nekomasi Abstraction Metaphysique Makinto Jayema Mindalala Mindalala Ale, kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, iyu kumbuka, ndwe chabani nonda so yungulu asize makukula kanyongo ndwe mazo yungula mama eki yungulu mama zozo yungula bangwe chacho mbala mbongwe bene chacha kumbroa de moya erike buka abona leto kolienda bakasi mandefu na yete zando zando iter kokopi yula bol General Davira, Christian Moulongo, Diatis, Max et Souleyman, lui on est mal américain, Papi Moukalaï, Manu Louvaka, Patrick Makoda, Bob Mokoko, Roger Mosaï, l'homme des grands événements. Je vous aime bien. Kaye Mbeshentema, Adam Bombolé. Allez, DJ Franguel, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Allez-y, Nero. Maboko Pembe. Francis Kalombo. Solution.

koyo Mimi ton sakana na ye Odola Iko Atakate Liego Buka ema boko na makuruwa Pichu Bwengo Bina na ye Jose Mbangabwana Falon la pretesse Mami Chodiomi Kaspa Waka Ito Skarbela Ale papa Kavua Kupiyache Masashi Kabaka Taya Taya Mama Komanda Ilo Maître japonais, tous en terre. Ah, y'a Kosum Didier, méchant. Y'a Kala, y'a Bouda. Bon, des soudains, Kabani. Kaba, que Kandala. Y'a Kosum Didier, ça vaut mon chacha. Ah, bon, j'ai sa raison. J'ai les aides, donc ça va dans mon nom. Donc ça va dans mon nom. Majuda, Majuda, Majuda Mandani. Les Indiens assis. Christian Kouloukoulou. Kabana Matese, à tout bien. Patrick Makoda. Je m'appelle Claude Mosaï, l'homme de gaz est venu ma faire au papa Yangoye. L'engingo, gongilingo, chikimo, gongolo, pana pétrole, gongolo, mame, mama, yo. Maja qui va tourna. L'engingo, gongilingo, gongolo, pique de passe, gongingo, gongilingo, gongolo, namu peba de tigingrololo, mame, mama, yo. Arsène Mumba. Mame, mama, Papa Jetelsi, Bana 4 saisons, Mabino yo, Mizigo yo, Efanda na loko Bana MTV, Yango yo, Lokolo, Lokolo, Lokolo, Lokolo, Lokolo, Alpha Ngungu, Lokolo, Lokolo, ah, Fido Bini, Lokolo, Bangala, mama, Shadodo, Oya, Bampele, Moana, Lokolo, Basanga, Danzambi, Kamule terena nga destino bile ya no via ya pi lokola ba umunza mishoko to fiana ba mpende mwana fio chao ma de jamba mama lo loris la congo mama lo ya bala bala ya ka mi ti des visitant ayé ku fe na mbo ba pesa ka ya fo mo pa ya zo elite scam idigi no ni mbongwe chacho bala ya mama Ede bonesina, mumaya zora mama, lokola manube, lokola mafende mwana, ya basanga danzambe. John Misitu, Nika Sebayaka, Patrick Meka, Gima Koda, Jerry Kongolo, Tatiti Gana, Olivier Mila, Gimi Soanjo. Rite Moulele, Cédric Niankovic, DJ Benedito, Jacques Delors, DJ Piroja, Patricia Champagne, Yora Kabumbaye, Moussio. Musiona, wamaka jenda, manulu fata, ena kadi dolo, badiaja buo jale mbolongo tomu dum fu dum fule, mona bana badila mbolongo tomu mbolongo tomu mbolongo mbolongo leko, Hermene Taba, mbolongo tomu mbolongo tomu mbolongo mbolongo leko, Alexi Weji, ale tata moko na kwe, tata moko na kwe, ale kodi savo. Apa kola boye, suke siniye, suke siniye. Apa kola boye, suke siniye, suke siniye. Apa kola boye, suke siniye. Mi bali baye, basi baye. Mi bali baye, basi baye. Mi bali baye, basi baye, basi baye. Mi bali baye, basi baye. Mi bali baye, basi baye. Mi bali baye. Deti kibala, ba ministre Jel Sed Obama. Mona bana babulu kumwa kabanga Manin Sao Marketa Les amis de Wesh Belgique, mon abana va bouloukou moi kabana. Aïcha Zelda London. Maman Andiwe, maman Andiwe, maman Andiwe. Bana me doudou l'homme, tu coupes, coupes, tu te dis, tchata kanipe. On osse les mbabé. Mon abana va bouloukou moi kabana. Allez, tu t'es. Papa mon poisson mini kemba Diego Music. Allez maman mon poisson mi ma tembele Dito et poula. Maman mon poisson mini kemba Francine Miss Passi ministre Jennifer Elito Bono babo kofinga Bongo tongo klita Joli Mayala hey. Masangwa foa Ye moi nanzambe hey. Oh, hey. Ye moi nanzambe Mingi bakolo batela sama Cyril Ekina Bobo zokanisa yende tata nangai Tel père, tel fils Yemo komo fingi bato Freddy Odimba Yemo komo lukingai ah. Yemo komo tongi bato eh. Yemo komo lelingai Foto batimeli yo Mebeti, mezi nungi Eba peti mamu kwe kenge Gardi no garde lese motelema Diriku, neba grand Mais il est vaillant, ah, pas petit, mais il est vaillant, mais il est vaillant. Bill Clinton est petit, à boxer les filles. DJ Arnaud Technologie, José Congolo, Salam Aïcha, Luxembourg, Maï Ndombe. Allez, pèse avant vous sur l'exercice à macaroni. Bana check check. Raoul Bintou, Zingan Kemba. Luxembourg, mettez la vie sur ma. Mwano yo, aswane diplome Asanga mayeleke na setanga ya mwuzoni Eke ofele, koma le kole na mokongo Na mokongo, koma le kole na mokongo Fashu, koma le kole na mokongo Tuke, na mokongo, koma le kole na mokongo Marte tino tambalo, alino le kole na mokongo Kita, na mokongo, sholi malanda na mokongo Abete lisusu Ya Nzambe Ya Maria Ya Yosefu Oya Chikimwa Oma jamais malu Ato bina ba mama mononge Monongeri Banankama Monongeri monongeri Ato bina ba mama mononge Monongeri E monongeri Monongeri mononge Monseigneur edang Begi salugeri adangombe ya ya Yezore shango Oya Chikimwa ya bile gisalugeri adangombe Chuchu mwanga Ato bina ba mama mononge monongeri Monongeri Nize nizara tukita na yango nase monongeri Monongeri monongeri Bapeti mameli pema 0 plus 0 moins 0 divisé par 0 est égal à 0 Jean-Jacques Lukunku. Rokoma Sala le vrai garçon. DJ Brown na 44 club. BG Lukisa. Salam Aïcha. Espekaninda. Héritier double pack. Beaucoup d'enfants ont bandé le coup et a tenu. Kamani, ici c'est Paris. DJ Miel. DJ Franck et Gérard chez Tepa. DJ Lutonadio. International et Tadi Moubet. Tadi Manilo. Tommy Boy. Toutou Lombo. Les suprêmes de la ville de Kinshasa. Excellence Chantilingo Bilambaka. Le meilleur de Goma. L'hôtel Serena. Merci papa Vani Bichueka. La ville est propre. Eric Moulumba, et donc nous sommes à l'intouchable. Rino Lubika, bon roi propre, Gaïda Sanoukou. Filet, c'est ma moye. Kélor et Manganza, Kaira Savane, Eric Wawa, beaucoup les balles oubilele. JP qui c'est l'ingénieur full. Nalolaya. Là c'est ma immonde, ma porte-monnaie magique. Wow, wow. Et des sabas jumelles. Alves et Champs-Élysées. Trésor et Mbokawe. Chéri Kouissanga. Matali. Ambara Pascal. Chéri. Tongi. Ectomètre. Maître Ligo Tché. Chantini, toi, ma, dans les tambours, les sages. Hein, t'as dit mon ben à l'opopo à droite, yo kakabouya, patapouja. Mama yo yo yo, joli malabar. Stop la route, les fondations modas, maître Igue Pouloussou. J'ai le poteau pour vous la gawagne. Jassi Maya, si force à l'Italie, jeunesse Kalambaye. On a la musique. Willy Mouchet, Nico Damboka, Maître Cicéron, Bakumba. toi David, vas-y. Eric Bongongo, le grand cadre. Eric Mandala, l'univers groupe. Abedassou, le patron Bobos. Maître Kasi, Naveyav, Alour Atchaka, Moutoukou. Serge Ngenzi, Yannick Manga, Jeff Makaveli, Carlos Kalala. Makila, un char de combat, hein? Babim Bama, Toussando Mbassi, Miguel Niema, il est le Cambodge, le ministre de tous les drummers, Top Congo FM, Christian Lusapouine, Serge Mopenge, Jean-Si Makoma, Blanchard Mbumba, Aigle.